Et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile Le Plus Sûr sur antenne du 94 MHz, également sur asile35.blogspot.fr, ça c'est le blog de l'Asile. Cette semaine, second volet de notre diptyque consacré au combo Cactus Truck, trio en provenance d'Amsterdam, qui pratique une sorte de grindcore jazz qui doit tout autant au free rock noise qu'au free jazz historique des années 60. Vu l'intensité de leurs prestations scéniques, il n'est pas très étonnant que Terry Essels, guitariste du groupe vétéran ZX, qui a croisé le fer avec eux, les ait consacrés découverte de l'année 2011 dans le palmarès du magazine anglais The Wire, soit même pas un an après la création de ce power trio par John Dickeman, Jasper Stathouders et Ono Govert. Dans ce second épisode, on s'attachera principalement à décrire les liens qu'ils entretiennent avec la jeune scène batave qui combine jazz free et free rock. Cactus Truck sera en concert le lundi 12 mai, ce sera à la Maison de la Grève à Rennes, au 37 rue Le Graveran, en compagnie de leurs compatriotes les Dead Neanderthals, ainsi que Colin Webster et les Dead Neanderthals. Donc ce sera deux sax barytons et batterie. Il y aura aussi un solo de basse électroacoustique de monsieur Maxime Petit. Plus d'informations sur le site interzone.free.fr. L'entrée est en prix libre. Voilà donc pour cette soirée du lundi 12 mai. Mais on commence par le commencement et la première pierre lancée par Cactus Truck, ou plus exactement un genre de parpaing avec des clous dessus, sous le titre de Brand New for China. On écoute le long morceau Aporia qui démarre cet album, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas du genre à douter, mais plutôt à foncer droit devant. On écoute Aporia par Cactus Truck. Oh,

l'hyper-expressivité des compositions spontanées de Cactus Truck, la relève des musiques free aux Pays-Bas avec ce long titre Aporia, extrait de leur premier disque édité au printemps 2012 sur le label américain Public Eyesore sous le titre Brand New for China, qui est je crois un jeu de mots sur le premier nom que portait ce groupe avant qu'il n'adopte ce patronyme plutôt piquant. Le lyrisme au saxophone ténor, lyrisme un peu haché et un peu tordu de John Dickeman, l'américain du trio, en compagnie de ses camarades de deux jeux, eux d'origine hollandaise, Ono Govert, et son jeu assez libre et martelé sur les fûts et les zébrures à la guitare ou à la basse de Jasper Statuders. Donc Cactus Truck qui a démarré il y a de ça 3 ans, courant 2010. Ils ont fait paraître donc assez rapidement un premier album long suivi d'un album live. Il y a aussi une cassette en compagnie d'ailleurs de Terry X, dont je citais le nom en début d'émission, le guitariste donc du combo anarcho-punk hollandais. On continue sans plus attendre avec d'autres musiciens de cette jeune garde batave qui sont dans l'orbite de Cactus Truck et un groupe de Rotterdam avec lequel ils ont eu l'occasion de se produire. Il s'agit du trio Albatre, qui a sorti son premier album en février dernier sur Spuma Records, qui n'est autre que la petite subdivision du label portugais Clean Feed. Albatre, qui est un mélange de jazz contemporain et de rock, qui est constitué de musiciens qui ne sont pas à proprement parler hollandais d'ailleurs. Philippe Ersting à la batterie électronique, qui est allemand je crois, accompagné par Hugo Costa au sax alto et au loops, et Gonzo Almeida à la basse électronique. Donc deux Portugais et un Allemand pour cet excellent trio Albatre et l'album A Descent Into the Maelstrom. Et comme de juste, on va écouter le titre qui démarre ce premier album long. Le morceau s'intitule Nautilus, donc une plongée dans le Maelstrom de Albatre dans l'asile le plus sûr. Thank you. Avouez qu'en matière de free rock, Batave, la relève de ZX est amplement assurée. On a pu entendre dans cette séquence tout d'abord le trio Albatre, qui ne sont pas des Hollandais à proprement parler, mais qui résident à Rotterdam. Excellent trio, un peu la même formule que Cactus Truck, sax, basse, batterie, mais aussi l'électronique pour ce Albatre qui a fait paraître donc Descent into The Maelstrom sur Spuma, la subdivision de Cleanfeed en CD au début de l'année 2013, qui était enchaînée avec Donné et Désiré, un autre projet un peu dans l'orbite et dans la constellation des Cactus Truck qui sont à l'honneur ce soir sur Canal B. Donné et Désiré, qui est un duo guitare-batterie assez sauvage, basé à Nimeg, et qui combine allègrement une sorte de rock noise un peu grind, un peu mat, et certains effets du free jazz. À noter qu'ils ont joué donc assez souvent avec les musiciens de Cactus Truck. Je crois que le guitariste Jasper Statuders s'est joint à eux assez régulièrement sur scène, et il y a eu des affiches communes, notamment en novembre de l'année dernière, Albatre, Cactus Truck ainsi que les Dead Neanderthals qu'on va écouter tout de suite, qui sont aussi un duo mais sax batterie très très influencé par la noise, le metal, le free rock. On pense aussi pas mal à certains duos du free jazz, saxophone, ténor, batterie, notamment Frank Wright, Muhammad Ali, John Coltrane ou David Essware avec Rachid Ali, ou encore Peter Brotzmann and Benning, Paul Flaherty, Chris Corsano et autres Gustafsson, Nielsen, Love. Donc c'est un peu un duo dans la grande tradition du free jazz, mais qui emprunte pas mal au rock noise, sorte de jazz in opposition, comme nous le dit d'ailleurs le son du Grizzly dans la chronique de leur opus, sorti au mois de mars dernier sur le label Utech. Et à noter que les Dead Neanderthals sont aussi à l'origine du label Norwegianism, qui a publié d'ailleurs le disque de Donné et Désiré qu'on entendait juste avant, sous le titre Three World Premiere. Voilà, on écoute donc un extrait de Polaris des Dead Neanderthal tout de suite dans L'Asile le plus sûr. We'll be right back. Thank you. On a démarré avec le jazz in opposition, assez typique des duos free sax ténor batterie des Dead Neanderthals et leur album Polaris qui est sorti au printemps dernier sur le label Utech Records. Voilà donc deux musiciens O et R qui avancent masqués, donc qui pratiquent un jazz assez puissant dans la lignée des aventures free depuis les années 60, et c'était enchaîné avec la musique de The Lock. The Lock qui est un trio également basé aux Pays-Bas entre l'Irlandais Stephen Doyle à la batterie, qu'on connaît aussi pour sa participation au groupe d'Agora, Renato Ferreira qui n'est pas lui non plus hollandais mais brésilien, qui faisait du bruit dans un instrument qu'on appelle le saxophone, et monsieur Luc Van Velden, donc le batave, le régional de l'étape, à l'électronique, qui lui aussi joue dans Dagora. Donc The Lock, qui a joué assez, qui a partagé assez régulièrement la scène en compagnie de Cactus Truck, ce qui est assez normal puisqu'ils font partie du même collectif, le collectif Doek, dont je vous ai pas mal parlé lors de la première émission autour de Cactus Truck. Ils se sont notamment produits dans le cadre du festival Doek au printemps dernier. Ils ont assuré la soirée de clôture en compagnie donc de Cactus Truck et des Dead Neanderthals. Voilà, on continue avec un nouvel extrait du premier album de Cactus Truck, qui montre un peu aussi les composantes rock de ce jeune trio batave. On écoute le titre Coitophobe. Oh, Une nouvelle séquence d'hybridation jazz free et rock noise sur l'antenne de Canal B. Grâce aux bons offices des musiciens de Cactus Truck, on a entendu un second extrait de leur premier opus, Brand New for China, sorti par Public Eyesore et album d'ailleurs mixé et enregistré par Colin McLean, qui est le bassiste ou ancien bassiste de Dog Faced Hermans. On a pu l'écouter aux côtés du batteur Ono Govert et du saxophoniste John Dickeman de Cactus Truck, ainsi que de Andy Moore, l'autre guitare de ZX. C'était un concert enregistré au Squat Artistique d'Amsterdam, OT301, le 31 mars 2011, qui est d'ailleurs un club et un squat artistique dont John Dickeman est assez souvent le curateur, s'occupe de la programmation en danse contemporaine et en musique sans doute assez épicée. On continue avec cette fois-ci plutôt du jazz expérimental et le projet Universal Indians, dans lequel on retrouve le saxophoniste américain de Cactus Truck, Monsieur Dickeman, avec l'album Nihil Is Now, publié en 2012. Universal Indians, qui est la rencontre entre John Dickeman et la paire rythmique norvégienne John Grunstrom à la contrebasse et Tollef Østvang à la batterie, qui sont deux musiciens qu'on a eu l'occasion d'entendre dans l'Asile le plus sûr, notamment pour le très beau projet All Included, dans lequel on retrouvait Martin Kuschen. Universal Indians, qui fait évidemment référence à Albert Ayler, l'une des grosses influences de John Dickeman. C'était l'album que le regretté saxophoniste du free jazz américain avait sorti en 1968 sur le label Impulse, juste 2 ans avant que son corps ne soit repêché dans l'East River. On écoute une longue pièce extraite de ce Nihil Is Now par Universal Indians, le titre 1096 DA. Oh, Thank you. une improvisation avec un superbe jeu de textures et aussi de souffle de John Dickeman en compagnie de la paire rythmique John Grunstrom et Tollef Ostang, deux Norvégiens avec lequel le saxophoniste de Cactus Truck joue au sein du trio Universal Indians. Il s'agissait de l'album publié d'ailleurs par les deux Norvégiens sur leur jeune label Stone Floor. C'est sorti à la fin de l'année 2012 et à peu près au même moment était sorti un autre trio, mais cette fois-ci en compagnie d'un contrebassiste hollandais, Raoul van der Weg, et du batteur allemand Klaus Kugel, sous le titre Across the Sky sur le label Not Too. Donc John Dickeman qui s'autorise des petites incursions en dehors de Cactus Truck de très très très bon goût qui nourrissent plutôt bien sa musique. On continue avec le deuxième disque du trio et leur live in USA sorti début d'année 2013 au printemps. Il s'agit de 71 minutes qui rassemblent 3 sets en concert enregistrés lors d'une tournée qui a dû être assez phénoménale et aussi assez éprouvante à l'automne 2012. Ils ont donné pas moins de 42 ou 43 concerts en l'espace de 6 semaines, donc quasiment pas de day off et aussi des doubles ou triples sets certains jours, mais n'ont pas froid aux yeux les musiciens de Cactus Truck. On écoute un extrait de ce set live publié par leur propre label Tractata Records en coproduction toujours avec Public Eyesore, et c'est le titre The Twerk, enregistré le 7 décembre 2012 au Astro Black Records de Louisville. Fermez les yeux et imaginez-vous ce concert. Ha ha ha! We'll be right back. Les aventures des musiciens de Cactus Truck dans l'asile le plus sûr, avec à l'instant la rencontre entre le guitariste, improvisateur, expérimentateur Mark Morse, basé lui aussi du côté d'Amsterdam, avec John Dickman donc au saxophone ténor, et Jasper Stathouders à la basse cette fois-ci, et le batteur Rune Lose. C'est le projet Super Hard-On Collider que vous pouvez entendre d'ailleurs sur les blogs de Mark Morse, par exemple Morsanek, ou sur son SoundCloud / Mark avec un K et Morse. Voilà donc pour histoire de montrer un peu l'étendue des ramifications du trio mené par le saxophoniste qui envoie du lourd, John Dickman, le batteur Ono Govertz et l'excellent guitariste bassiste Jasper Stathouders. Et tout ce petit monde là va se retrouver très très bientôt en concert. Ce sera lundi 12 mai à la Maison de la Grève, au 37 rue Le Graveran, dans une soirée organisée par l'association Interzone, soirée dans laquelle vous pourrez également retrouver un solo de basse expérimentale par monsieur Maxime Petit du combo Louis Minus 16, ainsi que les compatriotes des Cactus Truck, les Dead Neanderthals, un duo sax-baryton batterie tout aussi furieux, qui sont rejoints pour cette tournée par le saxophoniste Colin Webster, qui est un Britannique qui a sorti des choses notamment sur le label Gaffer Records. Vous avez plus d'informations sur le site interzone.free.fr. Voilà, on va se quitter avec un dernier disque. Je voulais aussi vous signaler la possibilité de réécouter cette même émission sur son blog azile.blogspot.fr, avec possibilité d'envoyer des commentaires et aussi d'écouter cette émission en streaming sur le mixcloud.com/renman. Je vous propose de conclure avec un dernier titre extrait de leur Live in USA. Pour cette tournée américaine, ils ont joué avec un certain nombre de musiciens, notamment le tromboniste Jeb Bishop. On avait pu écouter une longue pièce en sa compagnie lors du premier volet de cette spéciale Cactus Truck. Je propose pour conclure le titre en compagnie du trompettiste de Chicago Roy Campbell. Ça a été enregistré, je crois, c'était la dernière date de la tournée américaine, le 12 décembre 2012 au Jack de New York City. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit. À bientôt.